comme en français, même présent du latin à 80% dans les autres langues dites romanes, donc dérivées elles aussi du romain, alias le latin, telles l'espagnol, l'italien. Et les Italiens, dont plus d'un million de jeunes apprennent le latin, ont une excellente connaissance de cette langue. Le portugais, le romanche, le roumain, pour ne citer que des langues nationales, langues parlées au total par plus de 200 millions d'Européens, soit près du tiers de la population européenne actuelle, 750 millions. Des langues régionales, couramment parlées, catalan, corse, sarde, occitan, provençal, etc., doivent autant au latin. De même, nous trouvons d'autres traces du latin dans d'autres langues nationales, telles le slovène et le croate, d'autant que leur pays a fait partie de l'Empire romain, comme en témoigne par exemple le temple en l'honneur d'Auguste, le premier des empereurs romains, temple érigé au bord de l'Adriatique à Pula, port important de l'actuelle Istrie sur le territoire de l'Istria romaine. De même, jusqu'au milieu du XIXe siècle, dans les régions non allemandes de l'Empire autrichien, en Hongrie et en Galicie, dans la Pologne du Sud, le latin, rempart contre l'hégémonie allemande, possédait le statut de langue officielle, au même titre que l'allemand.